J'oubliais de dire qu'après avoir visité le petit palais, Luc et moi, nous avons eu l'idée de faire une excursion sur la Seine en bateau-mouche. Nous avons embarqué au pont de l'Alma pour débarquer au même endroit après avoir fait le tour de l'île de la Cité. Après ça, Luc a voulu m'emmener dans un endroit où on s'amuse. Un dancing, une discothèque ou une boîte de nuit. Il a acheté l'annuaire des spectacles. Il a cherché une boîte où il était allé quelques années plus tôt. Il a cherché partout dans l'annuaire, mais il ne l'a trouvé nulle part. Alors, au petit bonheur la chance, nous sommes allés chez Loulou. Il est clair que c'est une boîte en vogue. Nous y avons vu des politiciens connus et même un ministre du gouvernement actuel. Il était presque impossible d'approcher du bar. Je n'avais jamais eu si chaud de ma vie.